franceinter.com. C'est l'un des grands mystères du siècle dernier et l'un des secrets les mieux protégés. Mais le Vatican, le plus petit État du monde, n'est pas réputé pour être le plus transparent. Alors, oui, M. X a décidé de nous parler de la vie et de la mort du pape qui s'est sans doute assis le plus brièvement sur le trône de Saint-Pierre, Jean-Paul Ier. Patriarche de Venise, Albino Luciani, élu le 26 août 1978, est en effet mort 33 jours plus tard, le 28 septembre. Officiellement, il a été victime d'un infarctus du myocarde. Mais les rumeurs, alimentées par les imprécisions et même les dissimulations des autorités ecclésiastiques quant aux circonstances exactes de son décès, n'ont pas tardé à surgir. Jean-Paul Ier, le pape qui voulait donner un sérieux coup de balai au Vatican, aurait été assassiné. Une thèse assurément choquante pour les fidèles de l'Église catholique, mais qui, à la lumière des scandales financiers révélés tout au long des années 70 et 80, a pris de la consistance et fait toujours débat. Le prouve la parution récente d'une nouvelle édition du livre de l'anglais David Yalop, Le pape doit mourir. Et ce n'est pas par hasard si un grand cinéaste comme Francis Ford Coppola en a fait l'un des thèmes principaux du troisième opus de sa série sur la mafia. Monsieur X revient donc sur cette ténébreuse affaire où l'on croise nombre de personnages qui ont perdu tragiquement la vie et où il est beaucoup question de la mafia, d'un système bancaire corrompu et de la sinistre loge P2 qui a joué en Italie le rôle que l'on sait tout au long de ce que l'on a appelé les années de plomb. Monsieur Doublon, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur Doublon, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Doublon, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Doublon, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Rendez-vous avec X. En ouvrant ce dossier, il m'est revenu l'histoire d'un autre pape, dont le décès a aussi nourri une hypothèse des plus échevelées. Vous n'avez quand même pas remonté à l'époque des Borgia, là. Non, c'est beaucoup plus récent. Je parlais de la mort du pape Pie XI, en 1939. Une mort subite, qui présente des coïncidences troublantes avec celle de Jean-Paul Ier. Rassurez-vous, je vais être bref. 1939, donc, l'Europe est au bord du gouffre. Pie XI, à la différence de son secrétaire d'État, le cardinal Eugenio Pacelli... C'est son successeur. Oui, ouais. Sous le nom de Pie XII. Donc, Pie XI, à la différence de Pacelli, est horrifié par les persécutions raciales qui sont en œuvre dans l'Allemagne nazie et par la politique belliciste et dictatoriale de Mussolini. Aussi, en ce début d'année 1939, il s'est décidé à dénoncer publiquement le nazisme et le fascisme. Et sous quelle forme, alors ? Il a convoqué les évêques d'Italie pour le 11 février et compte leur lire un discours rédigé en ce sens. Mais il décède dans la nuit du 10. Ouais. Et la cause de la mort ? Un arrêt cardiaque. C'était un vieil homme, hein ? Et un homme malade, c'est certain. Donc sa mort n'est pas surprenante, mais... Si j'ose dire, elle arrive à point nommé pour Mussolini, qui avait tout à craindre d'une condamnation prononcée par un guide religieux unanimement respecté dans la très catholique Italie. Ouais, d'accord, mais enfin, de là à soupçonner un assassinat commandité par Mussolini... Bon, vous avez raison, il n'y a aucune preuve. Toutefois, deux faits peuvent susciter des interrogations. Le texte du discours de Pion, sur lequel il travaillait peut-être encore à l'heure de sa mort, a mystérieusement disparu. Il ne sera retrouvé qu'en 2007. Et le deuxième fait ? Le médecin du pape, celui qui lui a sans doute fait une dernière piqûre la nuit de sa mort, s'appelait Francesco Petacci. Et c'était le père de la maîtresse de Mussolini. Ah oui, alors on a pu penser qu'il avait administré à ce pape vieux et malade une injection mortelle. Ah pourquoi pas ? Le docteur Petacci l'aurait au fond aidé à mourir un peu avant l'heure, mais je ne peux pas en dire plus. Cependant... Des historiens italiens continuent à en débattre. Alors, les coïncidences là avec la mort de Jean-Paul Ier ? Il y en a au moins une, essentielle. Le pape, lorsqu'il est mort, travaillait un texte important sur un certain nombre de réformes et une nouvelle répartition des charges au sommet de la hiérarchie. Or, ces feuillets ont disparu. Et on a prétendu que Jean-Paul Ier, au moment de sa mort, lisait au contraire un texte pieux. Mais on n'en saura jamais plus. Car les proches collaborateurs du souverain pontife, sous l'autorité du secrétaire d'État, Mgr Villot, se sont empressés de faire le ménage dans la chambre où il est mort. Même ses mules, ses lunettes et ses médicaments ont été prestement enlevés. Donc ce qui vous interpelle, vous, c'est d'abord la disparition de ce texte. Ah oui, tout comme le discours de Pie XI. La deuxième coïncidence, c'est que ces deux papes sont décédés à la veille de prendre des décisions qui auraient fait date dans l'histoire de l'Église. Alors nous allons voir tout cela en détail et surtout nous interroger sur les mobiles des hommes qui auraient pu vouloir supprimer Jean-Paul Ier. Mais auparavant, quelques mots sur la carrière et la personnalité de ce pape. Un homme très modeste. Oui, c'était la première impression que donnait Albino Luciani. Et la deuxième, c'était son sourire affiché dès sa première apparition à la fenêtre du Vatican devant la foule des fidèles. D'ailleurs, les Italiens qui l'avaient d'emblée adopté l'appelaient déjà le pape qui sourit. Et c'est vrai que sur toutes les photos dont on dispose, il est souriant. Alors, son parcours. Albino Luciani est né dans une famille pauvre établie dans un village de montagne au nord de Venise. Le père, maçon, était socialiste. Et pour les catholiques de la région, c'était un bouffeur de curé. Pas mal pour la famille d'un futur pape. En effet. Mais sa mère est très pieuse. Et c'est sans doute sous l'influence de celle-ci que le jeune Albino se destine à la prêtrise. Une réaction du père, là ? Après réflexion, il a accepté que son fils parte pour le petit séminaire. Mais si Albino a subi l'influence de sa mère, est-ce qu'il a aussi hérité des convictions sociales de son père ? Très certainement. Et il en donnera parfois la preuve dans l'exercice de son ministère. Et quand il rentre pour les vacances, le jeune séminariste va travailler au champ. Et sa carrière ecclésiastique Il commence comme prêtre dans un village de Vénétie. Mais il est très vite passionné par les études théologiques. Et il faut aussi bien dire que sa pensée le situe d'abord du côté des plus conservateurs. Non, mais si j'ai compris, là, il changera après. C'est alors le fascisme, hein ? Ça n'empêchera pas de donner asile à des résistants lorsqu'il est appelé à devenir professeur au séminaire. Docteur en théologie, il est nommé ensuite vicaire général de son diocèse et Jean XXIII en fait un évêque en 1958. Luciani, malgré cette rapide ascension, est resté un homme simple, très proche des gens et qui vit frugalement. Il dirige ses 400 prêtres de façon très démocratique et professe que l'Église doit être avant tout au service des pauvres. Observation intéressante pour la suite. En août 62, il est confronté à un scandale immobilier dans son diocèse. De quel ordre ? Deux prêtres spéculaient avec l'argent donné par leurs paroissiens. L'évêque Luciani, profondément choqué, a refusé de couvrir ses agissements coupables et a remboursé toutes les victimes en vendant un bâtiment et des trésors ecclésiastiques. Probité et morale. Ce sera toujours sa ligne de conduite et ça explique bien des choses. Enfin, n'allons pas trop vite. Oui. Le Concile Vatican II ne peut donc que l'enthousiasmer. Et il a pris sa part dans les travaux de cette longue session qui allait rénover l'Église. Mais il a ensuite vécu assez mal la publication par le nouveau pape, Paul VI, de l'encyclique Humanae Vitae, qui régissait de façon très conservatrice et dogmatique la vie sexuelle des catholiques. Et est-ce qu'il a manifesté publiquement son désaccord ? Non, il est resté loyal tout en faisant discrètement savoir au Vatican les raisons de son opposition à cette encyclique. Pourtant, Paul VI va lui proposer une promotion. Mais Luciani refuse une première fois d'être nommé patriarche de Venise. Cependant, en 1970, à regret, semble-t-il, il accepte. Mais il rompt avec la tradition, s'abstient de toute représentation mondaine et préfère visiter les hôpitaux et les prisons. Et peu après, il sera fait cardinal. Et ici, il faut situer un épisode qui, sans aucun doute, jouera un grand rôle dans son destin et donc sa mort. De quoi voulez-vous parler, là ? Il existait à Venise un établissement bancaire, la Banque catholique de Vénitie, la Banque des prêtres, comme on l'appelait, car elle prêtait à ces derniers avec de très faibles taux d'intérêt. Et ces prêts, là, quelle était leur destination ? Les prêtres les utilisaient pour leurs œuvres, et l'archevêque Luciani voulait en user pareillement. Mais, surprise, en 1973, il en est fini de ces faibles taux. L'établissement devient une banque comme les autres. Ce n'est pas la seule découverte que fait l'archevêque. Il apprend aussi que la Banque du Vatican, appelée également l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, qui détenait plus de la moitié des actions de la Banque catholique, les a vendues au Banco Ambrosiano, dirigé par un certain Roberto Calvi. Oui, Calvi, un homme dont vous allez beaucoup reparler, j'imagine. Évidemment. Mmh. Luciani et tous les évêques vénitiens sont furieux, parce qu'ils n'ont pas été avertis de cette vente. Oui, mais alors, là, que peut faire Luciani, là, protester à Rome C'est bien ce qu'il a l'intention de faire. Mais auparavant, il se renseigne. Et il apprend que l'affaire a été pilotée par Mgr Marcinkus, un évêque américain, patron de la Banque du Vatican. Un homme qui a toute la confiance de Paul VI et qui, à l'occasion, lui sert de garde du corps. Ouais. De ce Monsignor, là, on reparlera aussi beaucoup. Oui, hein. Naturellement. Et par l'intermédiaire d'un cardinal dont il est proche, Luciani découvre que Marcinkus est à la tête de l'IOR, pour faire d'abord de l'argent, quitte à se compromettre avec des gens corrompus comme Calvi ou son ami Michele Sindona, un autre banquier, dont on dit qu'il est l'avocat de la mafia et aussi une sorte de conseiller financier du pape. Eh ben, Luciani doit être effaré, non ? Et même épouvanté, parce que le pape Paul VI, manifestement, couvre les malversations de Marcinkus et de ses douteux amis. Ah mais attendez, peut-être que le pape ne sait pas tout. Oh, c'est probable. Cependant, bientôt, Paul VI ne pourra plus rien ignorer, car un véritable scandale va éclater. Coup sur coup, les banques de Sindona font faillite. Or, le Vatican y avait placé beaucoup d'argent. Et le FBI américain déclenche une enquête sur une gigantesque fraude. La vente, pour près $1 milliard, de faux titres à la Banque du Vatican. Des papiers fabriqués aux États-Unis par la Cosa Nostra et dûment encaissés par l'IOR de Marcinkus. À l'occasion de la mort de Mgr Marcinkus, le journal Le Monde publie sa biographie. Extrait. La vie de Paul Marcinkus est celle d'un prélat de légende devenu par hasard gorille du pape et banquier. Il naît le 15 janvier 1922 dans une famille d'émigrés lituaniens à Cicero, pas loin de Chicago. Ordonné prêtre en 1947, il est nommé dans une paroisse de l'Illinois, mais il s'y ennuie très vite. Il décide d'aller poursuivre sa formation à Rome, à l'université grégorienne, puis à l'Académie diplomatique pontificale. Jeune diplomate de la secrétairerie d'État, il se lie d'amitié avec Mgr Giovanni Battista Montini, futur Paul VI. Doté d'une carrure physique impressionnante, Paul Marcinkus s'impose comme l'organisateur des voyages à l'étranger de Paul VI et l'homme de sa protection rapprochée. Il devient célèbre quand à Manille, en 1970, il dévie le couteau d'un détraqué philippin qui voulait tuer le pape. Paul Marcinkus gravit les échelons de la hiérarchie vaticane. Il est consacré archevêque en 1981. Il sera moins heureux dans ses activités mondaines et financières. Grand fumeur de cigares, bon joueur de golf, de tennis et de baseball, Monseigneur Marcinkus cultive à Rome son personnage d'évêque non conformiste. Il se sait influent auprès du pape. Dépourvu de la moindre compétence financière, il se voit néanmoins confier la gestion des portefeuilles d'action du Vatican à l'Institut des œuvres pour la religion, l'IOR. Mais nous allons voir cela plus précisément avec Monsieur X. Si vous le voulez bien. Abandonnons un instant Albino Luciani pour nous intéresser à cette banque du Vatican. Oui, l'IOR. Cet établissement a été fondé à la fin du 19e siècle. Et sa première mission consistait à gérer les immeubles et les actions données au Vatican ou aux œuvres religieuses italiennes. En 1929, après la signature des accords de Latran entre le Vatican et Mussolini... Oui, un traité, vous le rappelez, qui codifie les rapports entre le Saint-Siège et l'État italien. Et reconnaît l'autorité du pape sur la cité du Vatican, mais sur elle seule. Oui, c'est-à-dire que le pape n'a plus le droit sur la ville de Rome, par exemple. Et ces accords sont toujours en vigueur. Donc, ensuite, Pie XI met en place l'administration spéciale pour les œuvres religieuses qu'on n'appellera plus que la spéciale. Cette institution est créée pour gérer la compensation de 1,75 milliard de lire payée par l'Italie en dédommagement de l'annexion des biens fonciers de l'Église en 1870. Elle est confiée à un financier laïque, Bernardino Nogara, par ailleurs frère d'un évêque de l'époque. Ce premier banquier du Vatican doit donc faire fructifier l'argent de l'Église. Et c'est le vrai et premier prédécesseur de Marcinkus. Remarque importante, ce financier n'a accepté la charge qu'à la condition d'être libre dans ses opérations et de pouvoir investir des fonds partout dans le monde. Sans contrainte religieuse, par conséquent. C'est exact. Et c'est la voie ouverte à la spéculation sur les monnaies et sur les marchés boursiers. Et Pie XI, alors, a dit oui ? En effet. En 1942, nouvelle étape avec la création officielle de l'IOR à côté de la spéciale avec laquelle il fusionnera un peu plus tard. Le nouvel établissement devient une entité autonome sous Pie XII. C'est un organisme officiel du Saint-Siège qui est dispensé d'impôts sur les revenus des actions. Ça, c'est une fleur accordée au pape par Mussolini. À noter que l'IOR est directement contrôlé par le pape et non par le ministère des Finances du Vatican. Et alors, quelle est sa vocation ? Officiellement, c'est une caisse d'épargne qui recueille et administre les avoirs financiers des grands ordres religieux du monde entier, mais aussi de particuliers, ecclésiastiques ou employés civils du Vatican. Ouais, 1942, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Eh oui, vous avez raison de le souligner, car l'Institut a été soupçonné d'avoir organisé des transferts de fonds nazis en provenance de la banque du Troisième Reich. Sous l'autorité de Pie XII, donc. Après-guerre, la Banque du Vatican achète un grand nombre d'actions de sociétés italiennes et commence à tisser des liens avec la finance internationale. Deux hommes apparaissent aux côtés de Nogara. Massimo Spada, secrétaire administratif de l'IOR, et Pellegrino de Strobel, qui fera partie du conseil administratif. Par la suite, un certain Mennini les rejoindra. Aussi de ces noms, car on les retrouvera tous les trois au cœur du scandale qui éclatera plus tard. Nogara meurt en 1958. Spada lui succède et devient président de l'IOR. Deux ans plus tard, le loup pénètre dans la bergerie. Et ce loup, là, qui est-ce ? Il s'agit de Michele Sindona, dont je vous ai parlé un peu plus haut. Avocat et banquier sicilien réputé lié à la mafia, il est déjà conseiller de l'archevêque de Milan, Montini. Oui, le futur Paul VI. Et il entre au conseil d'administration de l'IOR. Paul VI est élu pape en 1963 et va s'attacher à révolutionner l'organisation des finances du Vatican. Il crée l'APSA, c'est-à-dire Administration du patrimoine du siège apostolique, chargé de gérer les biens et propriétés du Saint-Siège. Tandis que l'IOR devient peu à peu une véritable banque d'affaires privée. Mais n'y a-t-il pas doublon là, entre cette APSA là, et l'IOR hein ? Apparemment seulement, car dans la réalité, c'est l'IOR qui administre les avoirs du Vatican. C'est beaucoup plus pratique, puisque l'Institut n'est soumis qu'au contrôle du pape, et puis toujours exempté d'impôts. L'IOR jouit d'une entière liberté pour ses opérations de change avec le monde entier, en s'abstenant de passer par la lire italienne. Cependant, le pape doit mettre de l'ordre dans les finances du Vatican en 1968. Et pour quelle raison? Première raison, l'État italien supprime l'exonération fiscale sur les dividendes dont le Vatican bénéficiait, d'où les difficultés de trésorerie. Et deuxièmement, Paul VI prend conscience qu'un certain nombre de participations dans des entreprises italiennes deviennent excessivement embarrassantes. Et quoi, par exemple? Des participations dans des usines d'armement ou encore dans des laboratoires qui fabriquent des pilules contraceptives. Et ça, c'est effectivement gênant. Oui. Paul VI crée donc une préfecture des affaires économiques du Saint-Siège, un bureau chargé de contrôler les différentes administrations vaticanes. Mmh. Il fallait resserrer les boulons, en somme. Oui, sans toutefois remettre en cause l'autonomie de l'IOR qui va bientôt s'intéresser aux facilités offertes par les paradis fiscaux. C'est la tâche confiée au nouveau secrétaire de l'IOR qui deviendra son président en 1971, l'évêque Paul Marcinkus. Et dès ses débuts, il est assisté par son ami Michele Sindona, conseiller financier de Paul VI. Mmh. Sindona, l'homme de la mafia. Hein. Alors à votre avis, là, Paul VI est-il au courant? S'il a choisi de l'appeler auprès de lui, c'est que Sindona connaît très bien la finance internationale et qu'il a beaucoup de relations aux États-Unis. Mmh. Mais il y a aussi une autre raison. Et ça remonte à l'époque où Paul VI n'était encore qu'archevêque de Milan. En 1958, Sindona lui a permis de financer une maison de retraite. Mais avec quoi? L'argent de la mafia? C'est probable. Mais il n'est pas exclu que la CIA y soit aussi allée de son obol. Attendez, la CIA, mais pourquoi? La centrale états-unienne arrosait généreusement les œuvres religieuses italiennes. Parce que les prélats étaient les meilleurs adversaires du communisme. Le parti communiste italien était alors le plus important d'Europe. Et à Washington, on surveillait cela de très près. Ouais, quand même, l'argent de la mafia plus celui de la CIA. Ah, les voies de la Providence sont parfois très tortueuses. Admettons. Alors, je vous repose la question. Monseigneur Montini, savait-il que Sindona avait des liens avec la Cosa Nostra? Je n'en sais rien. Mais Sindona était sicilien, je vous le rappelle. Et à l'époque, tout ce qui comptait en Sicile n'était pas étranger à la mafia. Et aux États-Unis, il était notoire que Sindona était lié avec la puissante famille Gambini, qui cherchait à blanchir les profits issus du trafic de drogue. En tout cas, Sindona profite rapidement de sa proximité avec le pape pour faire une excellente affaire. Racontez alors. L'IOR vend l'un de ses bijoux, la Generale Immobiliare, une entreprise immobilière, comme son nom l'indique, acquise avant la guerre par Nogara. Une société qui a fait la fortune de l'Église et qui, anecdote piquante, possède la Paramount qui financera à partir des années 70 le premier épisode du triptyque de Coppola sur la mafia. Ouais, le parrain. C'est le banquier sicilien Michele Sindona qui rachète l'immobiliare. Ouais, grâce à son ami Marcinkus. Ça me paraît évident. Mais vous le savez bien, la roche tarpéenne est près du Capitole. Et dès 1971, le FBI a commencé à s'intéresser à Sindona et à ses liens avec la mafia et à son empire bancaire. Un empire, vraiment? Oui, Sindona a multiplié les acquisitions. Bon, une façon comme une autre de faire de la cavalerie. On achète la prochaine banque avec les dépouilles de la précédente. Et dans le cas de Sindona, ça donne le tournis. Le petit avocat sicilien monte la première avec l'argent de la famille Gambini. Puis il est successivement acquéreur de la banque de Messine et de la Finabank en Suisse. En 1970, c'est la Banca Rassini de Milan qui tombe dans son escarcelle. Très intéressant ce dernier établissement. Mais pourquoi? L'un de ses dirigeants s'appelle Berlusconi, Luigi Berlusconi, le père de Silvio. Ah oui. Puis Sindona rachète deux banques dont le siège social se trouve à Nassau. Oui, un paradis fiscal. Et dans le conseil d'administration de l'une d'elles, on trouve Roberto Calvi et un certain Licio Gelli. Et c'est celui qui apparaîtra au début des années 80 comme le grand maître de la mystérieuse loge P2. Et vous voyez que tout est lié. Mais l'appétit de Sindona ne se limite pas à ces quelques acquisitions. Il achète encore la Banca Privata Finanziaria de Milan. Et encore une autre banque au Liechtenstein, dont il fera le cœur de son empire financier. Oui, encore un paradis fiscal. Là. Et sa réussite semble tellement prodigieuse qu'en 1973, l'ambassadeur des États-Unis lui remet le prix d'homme de l'année. Alors que le FBI a déjà commencé à enquêter sur ses activités. Et bientôt, oui, le château de cartes va s'écrouler. avec X, Patrick Pénaud sur France Inter. J'ai déjà évoqué le livre de David Yalop consacré à la disparition, l'assassinat pour l'auteur, de Jean-Paul Ier. Yalop examine la genèse des bonnes relations entre le banquier sicilien et le futur pape Paul VI. Et ça commence pour Sindona par l'achat de la Banca Privata Finanziaria, la BPF. Extrait. Fondée en 1930 par un idéologue fasciste, la BPF était une petite institution très privée et très exclusive qui servait de canal au transfert illégal de fonds hors d'Italie pour quelques rares privilégiés. C'est sans doute cet héritage prometteur qui gagna le cœur de Sindona. Tout en ayant refusé de se battre pour Mussolini, Michele Sindona est un fasciste naturel. Il lui plaisait certainement d'acquérir une telle banque. Le blanchisseur possédait maintenant son usine à blanchir. L'année même où il achetait la BPF, Sindona effectua un autre investissement tout à fait astucieux. L'archevêque de Milan essayait de rassembler des fonds pour une maison de retraite. Sindona arriva et réunit la somme entière, soit 2,4 millions de dollars. Quand le cardinal Giovanni Battista Montini inaugura la Casa della Madonnina, Sindona se trouvait à ses côtés. Les deux hommes devinrent bons amis et Montini s'en remit de plus en plus au conseil de Sindona pour des problèmes qui ne concernaient pas les investissements diocésains. Le livre de Yalop, Le pape doit mourir, vient de paraître chez Nouveau Monde. Bon, finissons-en au moins provisoirement avec Sindona avant de retrouver Jean-Paul Ier. En 1974, sa pyramide bancaire frauduleuse s'écroule. Le Sicilien s'enfuit en Suisse, puis aux États-Unis. Mais vous m'avez dit qu'il faisait l'objet d'une enquête du FBI. C'est juste. Et des agents spéciaux sont même venus à Rome, où ils ont entendu Marcinkus. Mais ils n'ont rien pu prouver, enfin pour l'instant. La loi du silence ? On peut le penser. En tout cas, malgré plusieurs mandats d'arrêt internationaux émis par la justice italienne, Sindona poursuit avec succès ses affaires à New York et devient notamment conseiller de la famille mafieuse Cambini. Ouais, qu'il connaissait déjà. Ouais, mais il donne aussi des conférences dans de grandes universités, mène la grande vie et noue des liens avec David Kennedy, l'ex-secrétaire au Trésor de Nixon. Cependant, en septembre 1976, l'Italie parvient à faire arrêter Sindona. Emprisonné, il est relâché sous caution. Il va quand même faire l'objet d'une comparution devant un tribunal. Ouais, c'est très édifiant. Devant le tribunal d'extradition, des personnalités italiennes témoignent en sa faveur. Par exemple, le premier président de la Cour de cassation italienne, ou encore Licio Gelli. Témoin de moralité. Gelli qui n'hésite pas à dire que Sindona est victime d'un complot communiste ourdi contre les grands industriels italiens. Ouais. Mais il retourne en prison après un second procès où il est mis en cause pour diverses malversations commises aux États-Unis. Et il est reconnu coupable pour 68 chefs d'accusation, détournement de fonds, parjure et fraude bancaire. Plus grave encore, après l'éclatement du scandale Lambrosiano à l'été 81, Sindona est accusé par le gouvernement italien d'avoir donné l'ordre d'exécuter le liquidateur judiciaire de la BPF. Oui, ça c'est une autre banque. Et pour quelle raison, là ? Giorgio Ambrosoli était à l'origine de la découverte du lien entre le Vatican et la mafia. Ouais, donc on l'a liquidé. En 1984, Sindona est extradé en Italie et condamné à perpétuité pour fraude bancaire et meurtre. Mais vous le savez sans doute, il est retrouvé mort dans sa prison en 1986. Du cyanure a été versé dans son café. Ouais, liquidé pour éviter lui aussi qu'il ne parle trop. Évidemment. Alors vous l'avez bien compris, si je vous ai aussi longuement parlé de Sindona, c'est qu'il a été l'un des hommes suspectés d'avoir pris part à l'assassinat de Jean-Paul Ier. Ouais, attendez, si assassinat il y a eu, hein. Et naturellement. Mais il y a d'autres suspects, j'y reviendrai. Auparavant, voyons comment le souriant Monsignor Albino Luciani va accéder au trône de Saint-Pierre. Une remarque quand même, là. Luciani, après avoir découvert les étranges opérations financières de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, a-t-il rencontré Paul Marcinkus, là, le président de cet institut ? Il semble que oui, et ça ne se serait pas très bien passé. Pour résumer, Marcinkus lui aurait conseillé de s'occuper d'abord de ses propres affaires. Ah ouais, alors circuler, il n'y a rien à voir. Et ça n'occurrait pas de futures bonnes relations entre le président de l'IOR et Albino Luciani quand il deviendra pape. Hein. Bien entendu. Et c'est pourquoi Marcinkus figurera lui aussi sur la liste des personnages qui auraient pu être tentés d'abréger la vie du souverain pontife. Mais une fois de plus, n'allons pas trop vite. Paul VI meurt au début du mois d'août 1978. Il a laissé un testament très intéressant. Il exige d'abord que les cardinaux âgés de plus de 80 ans ne participent pas au conclave qui élira son successeur. Mais il demande aussi que les cardinaux qui exercent une fonction dans la curie, c'est-à-dire le gouvernement de l'Église, quittent leur poste avant la tenue du conclave. Et la raison de tout ça ? Paul VI veut ainsi que le futur pape ait les mains libres et puisse nommer qui il veut. Seule exception, le camerlingue, c'est-à-dire le cardinal chargé de veiller à la transition à la mort du pape. Et qui est-ce en l'occasion là ? C'est Mgr Vigneault, qui est aussi le secrétaire d'État du Vatican. C'est donc le secrétaire d'État, le premier ministre du pape. C'est hein, ça, ouais. Le conclave, c'est-à-dire la réunion des cardinaux, s'ouvre une vingtaine de jours après la mort de Paul VI, le 26 août. Deux candidats se détachent. Un proche de Paul VI, Benelli, et un conservateur, Siri. Mmh. Mais Luciani ne figure pas parmi les candidats. Non, non, il n'a aucune ambition, il l'a même fait savoir. Et pourtant, c'est lui qui va être élu au quatrième tour de scrutin au cours de l'un des plus brefs conclaves de l'histoire de la papauté. Mais alors pourquoi lui qui ne demandait rien ? C'était un candidat d'union, un cardinal qui n'appartenait à aucune coterie. Et aussi un prélat dont la vie semblait exemplaire. Ouais. Et il a accepté tout de suite ? Il a hésité. Mais il a cédé à la pression de ses pairs. Et je vous l'ai dit, dès sa première apparition, le pape qui sourit produit une excellente impression sur les fidèles. Et son futur successeur, le cardinal Wojtyla, s'exclamera même « Voilà un pape magnifique !» Un sentiment qui était unanimement partagé au sein du Vatican ? Ah non, loin de là. Des prélats, des membres de l'administration vaticane considèrent ce pape modeste avec une condescendance certaine. On a même tenté de le faire passer pour un simplet dont l'élection était à coup sûr une aberration. Puis il y a un autre point qui est encore plus préoccupant. Mais quoi alors ? La santé du pape. Et là, il existe deux avis diamétralement opposés. Pour les uns, et ce seront les plus acharnés à défendre la thèse de la mort naturelle, Jean-Paul Ier est un homme à la santé chancelante, qui a déjà subi plusieurs alertes cardiaques et qui ne pourra résister longtemps à la charge de travail que lui impose son ministère. Et pour les autres, alors ? Ils soutiennent bien au contraire que ce pape, encore relativement jeune, seulement 66 ans, jouit d'une excellente santé. Il a seulement été victime, quelques années plus tôt, d'une petite embolie oculaire qui lui aurait laissé un caillot dans l'œil. Mais depuis cet incident, il prend régulièrement des anticoagulants afin d'éviter toute nouvelle atteinte vasculaire. J'ajoute que parmi ces gens qui affirment que Jean-Paul Ier était en excellente forme, se trouvait le médecin personnel du pape lorsqu'il était archevêque de Venise. Mmh. J'ai lu, mais je ne sais plus où là, que Jean-Paul Ier avait les chevilles enflées. C'est un symptôme d'une maladie cardiaque, ça, non ? Peut-être, mais enfin, ça, moi je ne suis pas médecin. Donc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que son médecin, le docteur Darros, a effectivement constaté que ses chevilles étaient un peu gonflées. Mais il a attribué cela au fait que le pape menait désormais une vie beaucoup plus sédentaire qu'à Venise. Et il lui a conseillé d'aller régulièrement marcher dans les jardins du Vatican. Autre réserve du médecin, il a aussi constaté que les mules pontificales ne comportaient pas de talons. Et Jean-Paul Ier avait du mal à s'y habituer. Ouais. D'où peut-être les chevilles enflées. Enfin, ça me paraît quand même moins pertinent. Hein. Enfin, le docteur Darros a vu son illustre patient à trois reprises au mois de septembre. Donc, après son élection, il l'a trouvé en parfaite santé à chacune de ses visites. Il lui a même téléphoné le soir de sa mort, vers 21h30. Et Jean-Paul Ier n'a évoqué aucune affection particulière, ni douleur, ni malaise. Ouais. Je veux bien, mais enfin, on peut être apparemment en bonne santé et être frappé quelques temps plus tard d'un infarctus. Admettons. Mais cette affirmation est en parfaite contradiction avec les tenants de la thèse officielle qui prétendront que, dans l'après-midi, le pape avait ressenti des douleurs thoraciques. Douleurs qui se seraient manifestées à nouveau dans la soirée. Si c'était vrai, pourquoi n'en aurait-il pas parlé à ce médecin qui le suivait depuis longtemps et en qui il avait une confiance absolue ? Et conclusion alors ? Ah ben, il y a forcément quelqu'un qui ment. Alors, avant de nous quitter pour aujourd'hui, je vous propose d'éplucher brièvement l'emploi du temps de Jean-Paul Ier dans les heures qui ont précédé son décès. Sa journée était très chargée. Mais le point d'orgue, c'est l'audience qu'il accorde en fin d'après-midi à son secrétaire d'État. Monseigneur Viau. Une réunion très importante car il s'agit de voir dans le détail la réorganisation des organes du Vatican tels que l'envisage le pape. Un vrai bouleversement. Ah, on peut le penser. Puis il dîne très frugalement et vers 21h30, cet homme qui a l'habitude de se coucher très tôt gagne sa chambre. Et couché, il continue à étudier les papiers portant sur son projet de réorganisation. Mais comment sait-on là ? Parce que la sœur, qui le trouvera mort au petit matin, affirmera que des feuillets se trouvaient entre ses mains. Autre détail, la lumière était allumée. Et donc le pape est mort en lisant. Ça paraît évident. Ouais. Autre point alors, qui se trouvait cette nuit-là là, dans les appartements pontificaux ? Le secrétaire particulier, John Maggi, et quatre sœurs chargées des questions domestiques. Et c'est l'une d'elles, sœur Vincenza, en pénétrant dans sa chambre avec une tasse de café à 5h du matin, qui découvrira son décès. Et pourtant, étrangement, le Vatican prétendra que c'est son secrétaire particulier qui l'a trouvé mort. Un mensonge de plus alors, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Toutefois, je vous propose de continuer cette enquête samedi prochain. John Cornwell, dans un livre approuvé par le Vatican comme un voleur dans la nuit, revient sur les sentiments que provoquait Jean-Paul Ier. Je cite « Ce pape a joui d'une affection immense de la part des petites gens. Il était même considéré comme plus populaire que Jean XXIII. Il était aussi plus simple, plus humble, plus modeste, plus simple », raconte un curé du Vatican. Et pourtant, ce dernier ajoute, il n'empêche que le sentiment général au Vatican était nettement moins charitable. On se manquait du dandinement du nouveau pape, de son allure disgracieuse, de son zucchetto, sa calotte, de travers, de ses discours naïfs. On se gaussait de ses tentatives de dialogue avec les masses, de ses homélies rustiques destinées aux enfants. On lui donnait des diminutifs pleins de condescendance comme sa petite sieste. On disait qu'il ne savait pas distinguer entre doctrine véritable et blasphème. Il n'était qu'un simulacre de pape à la Peter Sellers, un clown. Autre livre, déjà cité, « Le pape doit mourir » de David Yalop, une enquête troublante. Et puis, non moins passionnant, « L'argent du diable » de Pedro Angel Palou, un thriller sur l'histoire occulte du Vatican et la mort de cet autre pape décédé mystérieusement en 1939, Pie XI. Des livres dont vous trouverez forcément les références sur franceinter.com, un site qui vous permettra aussi de réécouter et de podcaster cette émission. À samedi prochain donc pour la suite du récit de Monsieur X à propos de Jean-Paul Ier. Rebecca de Nantes a préparé cette émission. Merci aussi à Michel Biou, Lucien Pénaud qui l'ont réalisé et Monsieur Djoub forcément qui a ajouté sa petite musique. Et tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.